Pourquoi Rousseau a-t-il écrit L'Émile en 1762, déjà au cœur de sa carrière et de sa célébrité nationale et même internationale? Jean-Jacques Rousseau publie simultanément donc deux livres qu'il tient pourtant à maintenir séparés. D'un côté, le livre qui le rendra le plus célèbre, notamment dans et à travers la Révolution et la République en France, Le Contrat social. Mais d'un autre côté, un livre qui porte un titre étrange, un prénom de jeune garçon, Émile, sous-titré De l'éducation. Dans le lien, mais aussi la séparation entre ces deux ouvrages, Rousseau nous livre déjà le sens de chacun d'entre eux et la manière de les relier tout en les distinguant. C'est que, en effet, contrairement à ce qu'il attribue à Platon, au début de l'Émile, justement, à Platon dans La République, un grand traité d'éducation, dit Rousseau, parce qu'il ne faut pas juger des livres seulement par leur titre. Eh bien, justement, Platon, lui, avait essayé d'inscrire une philosophie de l'éducation au cœur de la politique. Une éducation centrée sur la politique, à tel point que dans la République de Platon, on arrache les enfants à leurs parents et on confie l'éducation, en tout cas des meilleurs citoyens, des gardiens de la cité, on la confie à la cité elle-même pour former de purs citoyens. Rousseau considère que ça n'est plus possible. Il n'est pas le pur citoyen, c'est le penseur de l'homme et du citoyen dans leurs différences. Pour l'homme moderne, il faut partir du cœur humain, de la vie humaine dans sa nature profonde pour la conduire progressivement à la politique et même en le séparant d'abord de la politique. C'est l'idée même de l'éducation dite naturelle et qui ne rejoindra la politique que progressivement, le plus tard possible, en formant un homme juste qui va rejoindre, si possible, des institutions justes, mais qui n'est pas formaté a priori pour elle. D'un autre côté, il y a l'extrême inverse, en quelque sorte, dans l'introduction à l'Émile, où Jean-Jacques Rousseau dit qu'il a écrit ce livre pour, je cite, « une bonne mère qui sait penser ». Une bonne mère qui sait penser, ça peut paraître deux fois réducteur, deux fois une image de la femme, deux fois fermée, une femme maternelle et peut-être certaines qui savent un peu penser. Mais au fond, c'est aussi une ouverture majeure. C'est la première fois qu'est pris en compte le lien entre la mère et l'enfant comme une ouverture intellectuelle, comme un enjeu humain majeur, et d'ailleurs aussi pour le père et pour le précepteur que va devenir Rousseau lui-même avec son élève imaginaire, Émile. Il faut se donner ces liens naturels et toute l'éducation du 19e siècle, avec le rôle des femmes précisément, va s'en inspirer d'une manière parfois excessive, la nature parfois contre la politique, alors que d'une certaine façon, c'est aussi le lien que Rousseau veut penser. Il se donne donc un élève imaginaire, il en suit le développement chronologique, Émile, un grand roman de formation, et le lien entre morale et politique qui revient au cœur du livre, puisque comme il est dit, dans ce passage célèbre, celui qui voudra séparer la morale de la politique ne comprendra jamais rien à aucune des deux. Et puis, il y a le cinquième livre d'Émile, l'éducation sexuelle, l'éducation amoureuse, qui enfin arrive à son heure car il faut la concilier ce feu brûlant avec le feu de la justice. Alors arrive là aussi vision féministe, pour le coup réductrice et violente, Sophie. Une fille unique, éduquée avec une éducation spécialement réservée aux filles et dont Émile, bien entendu, tombera amoureux à la fin de l'Émile. Mais l'histoire est un peu plus compliquée. Rousseau n'a pas pu tout régler. Émile est encore à reprendre.